Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler d'inflation, une émission co-animée comme d'habitude avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en forme. Mais oui, comme à chaque fois Jérôme. Ben, parfait. Alors bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, depuis la fin du confinement et la guerre en Ukraine, l'économie est malmenée. Une inflation record, un pouvoir d'achat en berne et une remontée des taux d'intérêt. C'est l'occasion donc de décrypter ces dernières tendances au cours donc de cette émission de l'Instant Éco. Et on va tenter d'être le plus clair possible avec notre invitée Bérangère Donnot, qui est directrice du cabinet AC Conseil Patrimoine. Bonjour Bérangère. Bonjour Jérôme. Bonjour Francine. Bonjour. Alors, avant de vous retrouver Bérangère, Francine, depuis quelques mois, l'inflation n'a jamais été aussi élevée. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors oui Jérôme, c'est le chiffre le plus élevé jamais atteint depuis juillet 1985. La hausse des prix à la consommation en France s'est accélérée de nouveau à la fin de l'été pour atteindre près de 6% sur un an. Mais au sein du bloc européen, la France a toutefois le taux le plus faible avec Malte. En Allemagne, ce taux atteint 8%. Les pays baltes ont connu les taux les plus forts, près de 2%. C'est plutôt 20%. Ah oui, voilà, 20% en Estonie, 21% en Lettonie et en Lituanie. Au niveau de la zone euro, l'inflation a atteint un niveau record de 9%. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis ne sont pas épargnés avec une inflation de l'ordre de 8%. Alors Francine, l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE est la référence donc pour déterminer en France l'évolution des prix. Alors peux-tu nous expliquer comment est calculé cet indice des prix à la consommation? Alors, cet indice des prix à la consommation est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services, en sachant que ce panier est actualisé chaque année pour rester représentatif de la consommation des ménages. Au cours de ces 40 dernières années, l'indice des prix à la consommation a donc remplacé dans son panier le disque vinyle par la cassette audio, puis par le CD avant d'intégrer la musique en streaming. On tient compte évidemment du poids de chaque produit dans la dépense de consommation des ménages. Donc Bérangère, avez-vous une idée du poids en pourcentage du carburant dans le budget des ménages? Il doit être important quand même, je dirais 12%. Eh bien, le carburant représente 3,5% en moyenne de la consommation des ménages. Ouais, effectivement, c'est une moyenne nationale, voilà, une moyenne, entre ceux qui ne conduisent pas et ceux qui conduisent beaucoup. Voilà. Ainsi, le calcul de l'indice des prix à la consommation se fonde chaque mois sur 200 000 prix collectés par les enquêteurs dans des points de vente et 190 000 prix relevés auprès d'organismes nationaux ou régionaux tels que les opérateurs de télécommunications, EDF, la SNCF, etc. Eh bien, merci Francine pour cet éclaircissement. Alors, cette reprise de l'inflation, je vous rappelle, de l'ordre de 6% en France, a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, justement, Francine, comment calcule-t-on le pouvoir d'achat des ménages? Alors, l'évolution du pouvoir d'achat est calculée par différence entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution de l'indice des prix. Donc, Francine, donc, si l'évolution des revenus est inférieure à l'évolution des prix, le pouvoir d'achat donc, baisse. Mais oui. Ou autrement dit, avec un même niveau de revenu, un ménage peut acheter moins de biens et services. Or, l'INSEE annonce pour 2022 un pouvoir d'achat qui va connaître une légère baisse de 0,5%. Alors, comment est-ce possible? Car je n'ai pas l'impression que les salaires français ont sensiblement augmenté ces derniers mois. En fait, Jérôme, pour calculer l'évolution de ce pouvoir d'achat, on prend en compte non pas le salaire perçu par le ménage, mais le revenu disponible brut, c'est-à-dire le revenu du travail auquel on ajoute les prestations sociales et auquel on retranche les impôts. C'est en fait le revenu dont on dispose réellement. Le ménage, soit pour consommer, soit pour épargner. Et ces derniers mois, le pouvoir d'achat a été soutenu par les actions publiques, par exemple revalorisation du SMIC, du point d'indice de la fonction publique, de diverses prestations sociales, le bouclier tarifaire au niveau de l'énergie. Mais si l'INSEE prévoit une légère baisse du pouvoir d'achat, il faut tout de même rappeler qu'il s'agit là d'une moyenne et que chacun d'entre nous peut, bien évidemment, ressentir une situation différente. Ben merci Francine. En effet, toutes ces aides des pouvoirs publics, on l'estime à 40 milliards d'euros. C'est colossal. Et donc, on comprend mieux pourquoi, effectivement, ce pouvoir d'achat donc, a été donc, maintenu au courant de l'année 2022. Alors, pour lutter contre cette inflation galopante, on a vu les banques centrales réagir. La Banque Centrale Européenne, donc la BCE, mais aussi la Banque Centrale Américaine, la Fed, ont décidé ces derniers mois de remonter leur taux d'intérêt directeur. Alors, Bérangère Denot, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces décisions vont permettre de limiter la hausse de l'inflation ? En effet, Jérôme, la Fed ou la BCE remontent leur taux d'intérêt directeur pour lutter contre l'inflation. Pour bien comprendre le mécanisme, rappelons ce que l'on appelle les taux directeurs des banques centrales. Il s'agit en fait de taux qu'elles offrent aux banques qui souhaitent se financer, c'est-à-dire emprunter de l'argent à la banque centrale. En effet, c'est une banque centrale, c'est en fait la banque des banques. Lorsqu'elle modifie les taux d'intérêt directeurs, cela va se répercuter à travers toute l'économie et notamment sur les prêts bancaires accordés aux ménages, aux entreprises, mais aussi à l'État. Si l'inflation est trop élevée en raison d'une demande plus forte que la quantité de biens et de services disponibles, les banques centrales peuvent augmenter les taux pour rendre le crédit plus cher. Les ménages seront moins incités à emprunter. Il en est de même pour les entreprises. La conséquence, la consommation, les investissements vont diminuer. La demande est donc au ralenti par rapport à une offre donnée. Et l'inflation renouera avec des niveaux plus faibles. Alors Bérangère, je crois qu'il en est de même pour l'État. Rappelons que depuis plusieurs années, l'État emprunte de l'argent quasi gratuitement, ce qui a facilité la mise en place de la politique en France du quoi qu'il en coûte face à l'ampleur de la crise sanitaire. Or, donc récemment, donc, l'État français empruntait à 10 ans au taux de 2,5%. L'État donc, va donc être aussi moins incité à dépenser de l'argent car il constate qu'emprunter va lui coûter plus cher. Et donc si l'État dépense moins, c'est par exemple moins d'aides versées pour soutenir la consommation ou l'investissement. Et là, on retrouve, Bérangère, le mécanisme que tu viens d'évoquer. On retrouve une pression à la baisse de la demande qui va permettre de ralentir les pressions inflationnistes. Tout à fait, Jérôme. Cette hausse des taux d'intérêt devrait permettre de ramener l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme. Donc, on veut faire baisser la demande pour limiter l'inflation. Mais le souci, c'est que cette inflation est actuellement en grande partie liée à la hausse des prix des matières premières, donc du coût de production. Ne pensez-vous pas que l'impact de ces politiques monétaires soit limité en termes de ralentissement de l'inflation ? Oui et non, Francine. L'inflation que nous connaissions provient au départ de la surchauffe liée à la fin des confinements. La guerre en Ukraine a accéléré le mouvement déjà initié. En fait, je vous fais un petit récapitulatif. Épisode 1, c'est le Covid. On renvoie tout le monde à la maison, mais on continue à les payer. L'épisode 2, c'est la libération. L'économie explose sous l'effet d'un rattrapage et sous l'injection massive d'argent de la part des États. Il y a des pénuries partout, les prix des matières premières explosent, couplé à la guerre en Ukraine, qui a pour conséquence une crise énergétique en Europe. Oui, tout à fait, Bérangère. La guerre en Ukraine a eu un impact négatif sur l'offre de matières premières. On n'est plus ici dans un souci de demande, puisque c'est l'offre qui ne suit plus. Donc, les demandeurs sont prêts à payer plus cher ces matières premières, ce qui explique donc l'envolée, l'explosion du prix de ces dernières. Et justement, Jérôme, on retrouve la justification de la hausse des taux d'intérêt évoquée tout à l'heure. Cette hausse vise à ralentir la demande de prêts. Grâce à ce ralentissement, les goulets d'étranglement au niveau des matières premières disparaissent, les pénuries s'estompent, les prix des matières premières baissent et l'économie se remet à fonctionner normalement. Maintenant, il est légitime de se demander si le seul fait de remonter les taux sera suffisant, Francine, effectivement. Soyons réalistes, les banques centrales sont intervenues bien trop tardivement. Elles ont préféré que l'inflation explose pour ne plus avoir d'autre choix que d'intervenir. Elles ne voulaient pas freiner une reprise fragile. Maintenant, l'inflation va encore inscrire des records dans les semaines qui viennent, principalement du fait de la hausse du gaz. Mais elle va finir par refluer. Les cours du pétrole et les cours des matières premières alimentaires ont déjà baissé de 30%. Elle va donc baisser, mais elle ne va pas retrouver les niveaux que nous avons connus. Eh bien, Bérangère et Francine, j'espère que nos auditeurs ont réussi à percevoir donc, l'enjeu de cette hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. On va faire une première pause musicale et après cette première pause musicale, on va reprendre cette discussion sur cette inflation record. Alors Francine, certes pause musicale, mais je crois qu'on va continuer à parler d'inflation. Alors tout à fait, Jérôme, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle justement « L'inflation », interprétée par Georges Hamel, un chanteur québécois de musique country, qui est aujourd'hui décédé. Il était surnommé le gentleman de la musique country et compte plus de 44 albums à son actif. Cette chanson a été interprétée en 1975, juste après le premier choc pétrolier de 1974. Retrouvons donc tout de suite cette chanson interprétée par George Hamel, L'inflation, qui redevient d'actualité. Depuis quelques années, c'est d'actualité. Il s'agit de l'inflation qui nous mange tout rond. Y'a pas grand chose à faire, car on doit payer. Y'a que les millionnaires qui en sont exemptés. Y'a pas d'ouvrage, tout le monde est en chômage. Tout est trop cher, ça dépasse les salaires. Où va nous mener cette crise insensée? En attendant, le petit va payer. De café, il va falloir sûrement bien y penser. Le café soit bouilli ou instantané, une chose est bien claire, le café est trop cher. Y'a pas d'ouvrage, tout le monde est en chômage. Tout est trop cher, ça dépasse les salaires. Où va nous mener cette crise insensée? En attendant, le petit va payer. Y'a l'huile et l'essence qui ne cessent d'augmenter. Les comptes et la finance arrivent de tous côtés. Y'a jusqu'à la bière qui a plus que doublé. On ne pourra plus rien boire, les eaux sont polluées. Y'a pas d'ouvrage, tout le monde est en chômage. Tout est trop cher, ça dépasse les salaires. On va nous mener cette crise. En attendant, le petit va payer. En attendant, le petit va payer. Voilà, c'était donc George Hamel qui chantait donc l'inflation. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Oui, vous êtes bien en effet sur Radio Fadjet et vous écoutez l'Instant Écho, dont l'ambition est de vous de rendre sympathique l'économie. C'est pas une mince affaire. Hein. Alors, dans la première partie de l'émission, on a parlé inflation, pouvoir d'achat et taux d'intérêt. Et on va continuer notre entretien, notamment avec Bérangère Donneau, responsable du cabinet en gestion de patrimoine AC Patrimoine. Alors, j'ai l'impression que si l'inflation, Bérangère, va se calmer dans les mois à venir, le prix à payer sera élevé en termes de chômage dans beaucoup de pays. Alors, qu'en pensez-vous, Madame Delou? Effectivement, il y a deux écoles de pensée. La première dit que nous n'entrons pas techniquement en récession, mais que nous connaissons un ralentissement de la croissance. Elle compare le niveau de croissance avant le Covid et non pas à partir de l'événement qui a causé la surchauffe. C'est une pensée optimiste. Nous allons retrouver notre niveau d'avant-crise, donc d'avant-Covid, et donc c'est pas grave, tout se remettra en ordre en 2024. Alors, en fait, c'est un peu ce qu'a prévu en France notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, non ? Oui, c'est tout à fait ça, Jérôme. Évidemment, c'est très optimiste, hein. Il est dans une posture de dirigeant, on attend d'un ministre ce genre de discours, il ne va pas nous annoncer que ça va être dur. Non, il reste droit et indique le chemin à prendre sans paniquer. Alors, quelle est cette deuxième école ? Alors, la deuxième école dit que l'inflation est un danger dévastateur. Les banques centrales, en augmentant les taux directeurs, coupent la consommation et l'investissement dans leur élan. Elles agissent pour que les États tombent en récession pour freiner la surchauffe. La durée de la période de récession doit être brève pour les États-Unis car leur économie tourne à plein régime. La durée, en revanche, pour les pays européens sera certainement plus longue car leur économie est déjà dans le rouge. Notons que les USA sont techniquement entrés en récession au deuxième trimestre. L'Europe suit en commençant par l'Allemagne. Alors on parle de récession, hein, pour nos auditeurs, on va quand même rappeler que la récession, c'est une croissance économique négative. Hein, c'est-à-dire qu'on crée moins de richesses hein, d'une année sur l'autre. Hein. Alors qui dit récession, donc dit chômage. On va donc sacrifier, Madame Donneau, l'emploi sur l'autel de l'inflation ? Eh bien, j'ai bien l'impression que oui, Jérôme, c'est vrai, il existe un lien qui unit le niveau de l'inflation et le taux de chômage, il est bien réel. Alors, une petite explication, plus l'inflation monte en raison notamment d'une demande soutenue, plus les taux de chômage sont faibles, plus le taux de chômage est faible, car l'inflation s'explique par une offre qui ne parvient pas à répondre à la demande. C'est ce que nous venons de connaître aux États-Unis. Plus l'inflation baisse, en lien avec la baisse de la demande, plus le taux de chômage augmente. Les carnets de commandes des entreprises étant plus faibles. Cela a été théorisé en fait à l'époque par Alban Phillips. On parle de la courbe de Phillips. Et comme vous avez compris, les banques centrales ont une mission, lutter contre l'inflation en la limitant à 2%. Elles vont tout faire pour réussir à la baisser et par conséquent, le taux de chômage va augmenter. De sombres donc perspectives, mais pourquoi cette priorité à la lutte contre l'inflation ? Car l'inflation est d'autant plus dangereuse qu'elle est très inégalitaire. Elle concerne surtout les biens alimentaires et énergétiques, qui représentent une part importante du budget des ménages les plus modestes. Les gouvernements veulent à tout prix éviter des mouvements sociaux type gilets jaunes. Pour conclure, je vais vous donner un petit peu mon avis. Je pense que l'inflation va baisser, mais pas des niveaux déjà connus. Elle va revenir vers 2-3%, ce que les banques centrales souhaitent. L'inconnu reste quand même sous quel délai. Et là, je pense que nous sommes partis pour quelques années. Alors, on a parlé de taux d'intérêt pour l'emprunt, hein, mais si les taux de crédit augmentent, il en est de même pour les placements. On l'a constaté donc pour le livret A. Mais là encore, avec une inflation supérieure à 6%, une rémunération de 2% sur les sommes placées sur le livret A est insuffisante. Alors, Bérangère Donneau, quel conseil pour tenter de placer au mieux son épargne ? Et oui, Jérôme, en effet, vous venez de parler ici des taux réels. Quand on a une inflation de 6 et une rémunération de 2, et ben en fait, on a des taux réels d'épargne négatifs. Donc, il y a des investissements phares hein, pour placer au mieux en période d'inflation. Bon, un petit conseil quand même, il ne faut pas tout basculer d'un actif à un autre. Hein. Le patrimoine, c'est un gros paquebot, hein, donc c'est par à-coup hein, qu'il faut le gérer. Donc, la gestion de son épargne impose de la rigueur, de la constance et des ajustements. On peut donc citer, en termes de placement, l'investissement dans les actions des grandes entreprises qui ont le pouvoir d'augmenter les prix de leurs services ou de leurs biens en période de crise. Donc, je pourrais citer par exemple, c'est le cas des grandes entreprises technologiques américaines comme Google, Amazon, celles que vous connaissez, ainsi que toutes les entreprises du secteur du luxe. Alors, justement, comment se positionnent actuellement les grandes valeurs technologiques des GAFA ? Comme ces sociétés génèrent beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de bénéfices, elles innovent pour miser sur des nouveaux leviers de croissance, tels que les avantages compétitifs, la simplicité de leur gamme de produits ou encore de la personnalisation. Ensuite, elles travaillent sur la création d'un capital confiance avec les consommateurs, basé sur le sens, la transparence et la responsabilité. Par exemple, avec sa mise à jour de iOS 14, renforçant la confidentialité des données, Apple marque son ambition de devenir un acteur de confiance auprès de ses utilisateurs. On peut citer un autre exemple, Amazon, qui renforce en permanence son écosystème de services. L'entreprise enrichit en permanence la proposition de valeur de l'abonnement Prime. Variété de services, d'expériences, et elle s'ancre en fait dans le quotidien des consommateurs. Depuis sa création, l'offre Prime n'a cessé de conquérir de nouveaux abonnés aux USA, et ce, en même temps qu'elle a augmenté de tarifs de 15%. Ces entreprises détiennent ce qu'on appelle un « pricing power », le pouvoir d'augmenter ses prix sans nuire à la demande. Donc, pas trop de soucis à l'avenir pour ces sociétés. Alors, Francine, tu as parlé de GAFA. On va peut-être quand même rappeler que GAFA, on appelle ça un acronyme. C'est-à-dire qu'on prend les initiales hein, des grandes sociétés des nouvelles technologies. Mmh. Et donc, Bérangère. G pour Google, A pour Amazon, F pour Facebook et A pour... Apple. Voilà. Alors, je crois que de toutes ces sociétés-là, c'est peut-être Facebook qui est la plus en difficulté actuellement, je crois. Tout à fait, hein. Tout à fait. Ouais. Alors sinon, il y a également à côté du marché des actions, le marché de l'immobilier. Tout à fait. L'immobilier reste une valeur refuge en période d'inflation. L'immobilier en direct ou en part en pierre papier, ce qu'on appelle les sociétés civiles de placement d'immobilier, les SCPI. Car son prix augmente en période d'inflation. Les loyers sont peu ou prou indexés à l'inflation et vous empruntez à taux fixe, ce qui permet de vous prémunir en termes de revenus et de capital. Alors vous estimez que l'immobilier est une valeur refuge, pourtant moi j'entends les professionnels de l'immobilier qui sont assez inquiets, que ce soit les promoteurs pour les biens neufs avec l'envolée des coûts de construction ou les agences immobilières qui s'inquiètent de cette remontée des taux d'intérêt dans l'immobilier. Oui, mais parce qu'en fait nous sommes dans une période particulière, peu de biens s'échangent, peu de permis de construire de biens neufs, une hausse des taux d'intérêt qui se rapproche au taux d'usure, ce qui entraîne une baisse de l'offre de prêt, d'autant que les banques sont de plus en plus sélectives. Mais tout ça, ça va se normaliser. Et je le répète, l'immobilier reste une valeur refuge contre l'inflation. Et c'est vrai qu'on a atteint des valeurs records ces dernières années. Je crois qu'il y avait quasiment 1,2 million de transactions en 2021. Donc je pense que les volumes de transactions vont certes baisser, mais on va rester à des niveaux encore très intéressants. Ça va se normaliser en fait. Voilà. Alors, je peux aussi, on peut aussi citer comme placement qui se préserve contre l'inflation, les obligations indexées à l'inflation. Ça, c'est assez peu connu. En sachant que les États, compte tenu de l'importance des dépenses, vont émettre davantage d'obligations dans les mois à venir, avec des taux d'intérêt qui vont s'accroître et qui va les rendre plus attractifs aux yeux des investisseurs. Et donc, et l'or, les crypto-monnaies comme le Bitcoin, vous en pensez quoi ? Ah mais oui, Francine, c'est vrai que l'on pense toujours à ces valeurs. L'or a progressé 12% en un an, 24% en 10 ans, et depuis 6 mois, l'once d'or baisse un petit peu de 4%. Comparativement, l'immobilier a progressé de 22% sur 10 ans. Mais l'or ne fournit pas de revenus, vous pouvez pas détenir de l'or vous pouvez détenir de l'or physique, mais c'est quand même difficile. Vous pouvez le détenir en lingots, en pièces ou en certificats. Moi, je rappelle toujours toutefois les risques de détenir de l'or physique. Je pense au vol, au transport, à la conservation. C'est préférable dans un coffre. Il y a aussi beaucoup de frais lorsqu'on achète de l'or physique. Vous parlez du Bitcoin. C'est une valeur spéculative. Hein. On parle plutôt de crypto-actifs. Vous parlez crypto-monnaie. Nous, les professionnels, on préfère parler de crypto-actifs. Le Bitcoin n'en finit pas d'en faire parler. Cette année, son cours a baissé de plus de 50%, quand d'autres crypto-actifs perdent 70%. Ce sont donc des valeurs qui ne protègent pas de l'inflation. Ce sont même des actifs à manier avec précaution. Oui, on n'est pas quand même dans le cadre d'une gestion en bon père de famille si on investit dans le Bitcoin. Ah non, on est sur la diversification et là, on a de la volatilité. Hein. Voilà, avec des gros risques. Je rappelle que le Bitcoin, il y a quelques années, valait 400 euros. Il est monté, je crois, jusqu'à 60 000 euros pour redescendre. Alors, je dis euros, c'est peut-être des dollars. Hein. Oui, c'était des dollars. Des dollars et pour redescendre autour de 20 000. Hein. Donc vraiment, c'est un peu les montagnes russes avec ce type de placement. Hein. Oui. Il faut aimer le risque. Hein. Oui. Voilà, merci donc Bérangère Delot pour toutes ces précisions concernant ces placements qui peuvent nous permettre de nous protéger en partie de l'inflation en gardant bien à l'esprit cette nécessité de bien diversifier ses placements. Voilà, donc cette émission se termine. Merci Bérangère de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Alors j'espère effectivement que nous avons avec Francine pu vous éclairer au mieux donc sur ce concept d'inflation, de pouvoir d'achat, de taux d'intérêt et de placement. Alors n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et de nous faire part des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Alors Francine, on se retrouve bien sûr donc très prochainement pour une nouvelle émission. Mais de oui, la Jérôme. Ah, toujours fidèle. Mais oui. J'apprécie ta fidélité à cette émission. Ah, merci. Alors Francine, je sais que tu aimes le jazz et on donc terminer également en chanson avec, je crois, une chanson aussi une chanson qui évoque aussi l'inflation. Alors, tu peux nous préciser quel est le chanteur que nous allons retrouver ? Alors, on va retrouver B.B. King avec son interprétation Inflation Blues. Eh bien, merci Francine. C'est cette chanson qui va clore cette émission de l'Instant Écho consacrée à l'inflation. D'ici là, on se retrouve donc d'ici un mois et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fladjet. On retrouve donc tout de suite B.B. King avec la chanson Inflation Blues. Thank you. I'm trying to make a living. I can't save a cent. It takes all of my money just to eat and pay my rent. I got the blues. Got those inflation blues. You know, I'm not one of those highbrows. I'm average Joe to you. I came up eating cornbread, candied yams, and chicken stew. Now you take that paper dollar, it's only got a name. The way that buck is struck, it's a low-down dirty shame. That's why I got the blues. Got those inflation blues. Yes, I have. Up and up and up, and my check remains the same. That's why I got the blues.